Un ange sur la terre, chapitre 23. Correspondance. Lagrimas à Rennes, 15 août. Si je ne t'ai pas répondu plus tôt, ma bonne reine, c'est pour deux raisons. D'abord, je suis si faible qu'une plume pèse autant à ma main qu'une épée à celle d'un enfant. Puis je ne sais si, en t'écrivant, je te fais véritablement plaisir. Ne prends pas cela pour un reproche, reine. Le reproche n'est qu'une exigence déguisée. Tu m'aimes à ta manière, laisse-moi t'aimer à la mienne. La tristesse est-elle plus tendre que la joie? La souffrance amollit-elle le cœur que la gaieté refroidit? Je ne sais. Mais pour mon compte, je donne tout ce que je puis donner, et je me contente du peu que l'on veut bien me rendre. 17 août. Je t'écris à bâton rompu. Aussi ma lettre sera-t-elle incohérente, mais toujours triste, car je passe ma vie dans la tristesse. Il ne faut pas m'en vouloir, je ne sais pas dissimuler. Mais moins que toute autre chose, je ne saurais feindre une gaieté que je n'éprouve pas. Que n'ai-je un peu de sel de notre chère Flora? 18 août. Je n'ai pas grand-chose à te dire. Je ne vois et ne puis voir personne, car je ne sors pas de ma chambre. L'autre jour, la servante, qui n'est cependant pas fort aimable, voyant que j'avais peine à respirer, eut pitié de moi et me proposa de m'aider à monter sur la terrasse de notre maison. Je ne pus arriver jusqu'en haut, mais je montai cependant assez haut pour jouir de la vue. Elle est magnifique, mais bien triste. La mer, toujours la mer. Les bâtiments à l'ancre dans la baie me semblaient des cercueils surmontés de leurs croix. Au loin, s'apercevaient de petits villages semés sur les bords de la mer et dont les blanches maisons faisaient l'effet de troupeaux de moutons descendant dans la plaine. La mer était calme ce jour-là. Le soleil la faisait briller comme un diamant brille au feu des lumières. Mais, reine, ne va pas croire que quand la mer est calme, ce calme soit une tranquillité réelle. Non, c'est qu'elle dort. Et malheur au pauvre marin quand elle se réveillera. 20 août. Une chose magnifique à Cadix, c'est son phare. Celui qui, le premier, a inventé le phare a dû être un homme qui avait été exposé aux fureurs des tempêtes. Un phare, reine, c'est une étoile du ciel que la charité a fait descendre sur sa terre. Quand je regarde ce phare, quand je vois son aspect triste et sévère, je m'imagine que sa tristesse provient des naufrages qu'il a vus s'accomplir sans pouvoir les empêcher. Car sa puissance se borne à prévenir du danger. Comme tout secours humain, son pouvoir est limité. Dieu seul est infini et tout-puissant. Si j'étais riche et que je pusse disposer de ma fortune, je voudrais l'employer tout entière à élever un phare. À l'intérieur, il y aurait une chapelle où les fidèles viendraient adresser leurs prières au Seigneur en faveur des infortunés exposés au péril de la mer. 22 août. Éprouves-tu à lire ma lettre autant de fatigue que j'en éprouve à l'écrire, ma reine? Une chose m'a fait peine dans la tienne. C'est que j'ai vu que tu continuais à te montrer malveillante pour lui, puisque tu l'as à peine nommé une seule fois, sachant bien cependant l'immense plaisir que tu me ferais en me parlant de lui. Dans cet éloignement, qui fait de ma vie un supplice, votre souvenir est ma seule consolation. S'il m'eût aimé comme je l'aime, n'aurait-il pas dû me faire dire au moins qu'il ne m'oubliait pas. Le médecin prétend que le climat de Cadix est funeste à ma santé, mais il a beau le répéter à mon père, celui-ci feint de ne pas le comprendre. Quant à moi, tout m'est indifférent. Il n'y a qu'une seule chose que je puisse désirer, et cette chose, ma reine, c'est de vous revoir. 25 août. L'équinoxe est enfin passé. Après de terribles tempêtes, le calme est revenu, dans le ciel et sur la mer, mais non pas dans mon cœur. Oh, que j'ai souffert, reine! Nous voici dans la canicule, et sans doute vous passez maintenant vos soirées dans le jardin, au milieu de ces fleurs parmi lesquelles tu trônes comme leur reine. Je crois te voir, ainsi que tout ton entourage, et je me plais souvent à fermer les yeux pour ne rien perdre de ce riant spectacle. Quel beau climat que celui de Séville! Quant à Cadix, les vents d'est ont remplacé les vents du nord. Ce sont nos tempêtes d'été qui, au lieu de torrents de pluie, répandent des torrents d'une poussière brûlante qui dessèche la terre. Ici, ma reine, il n'y a jamais de calme, ni pour la nature, ni pour le cœur. J'en atteste mes larmes qui arrosent ce papier comme si elles voulaient signer à ma place. Cette lettre si tendre, si affectueuse, qui peignait si bien l'âme de celle qui l'avait écrite, déplut à Reine, qui la garda pour elle et ne la montra à personne. Au bout de quelques jours, elle répondit à la grimace. « Si vous avez à Cadix des vents d'est et de la poussière, nous ne sommes pas plus favorisés à Séville. Ne te fais pas d'illusions, ma chère enfant. Le paradis n'existe nulle part ici-bas. L'espérance dore l'avenir, le souvenir poétise le passé. Il n'y a que le présent qui manque d'avocat. Si l'on veut vivre heureux, il faut voir les choses telles qu'elles sont. La raison doit avoir de l'empire sur un caractère doux et docile comme le tien, ma lagrimace. Ne soupire donc plus après des choses qu'il ne t'est pas donné d'obtenir. Souviens-toi plutôt de ce refrain que chantait Flora. Il vaut mieux oublier. Sois certaine que l'oubli est un baume, le souvenir un ver rongeur. Si je me suis abstenue, si je m'abstiens encore, de te parler de certaines personnes, c'est que je ne veux pas réveiller des idées que ton père désapprouve et que tu ferais mieux d'oublier. Ne te fais donc pas d'illusions impossibles à réaliser. Rétablis ta santé, et pour y arriver, le meilleur moyen est de tranquilliser ton esprit. Pourquoi t'occuper sans cesse de cette mer que tu trouves si terrible et que d'autres trouvent si belle? Elle entoure Cadix de ses bras amis, elle l'enrichit, elle la fait participer à son activité. Elle caresse son front de sa brise amoureuse, la berce pendant son sommeil par le murmure de ses flots. Elle lui prodigue enfin les savoureux poissons renfermés dans son sein. La mer débarrasse les rivières de leur trop-plein et préserve ainsi la terre des inondations. Comme une mère vigilante, elle berce les bâtiments entre ses bras. Elle leur montre la route et les conduit au port. Ne la regarde donc pas toujours sous son mauvais côté. La mer ne renferme-t-elle pas dans son sein les choses les plus précieuses? Flora connaît le secret de ses richesses et me charge de te le confier. Ce sont des perles comme toi, des coraux comme elle et de l'ambre comme moi. Je veux, pour te distraire, te dire ce qui se passe ici. Je suis brouillée à mort avec Martial. Il s'est retiré de la maison de ma mère, comme la mer se retire, dit-on, à marée basse. Mais il n'a pas, comme celle-ci, laissé un souvenir sur la plage. Dans son indignation contre moi, qui ai eu le mauvais goût de refuser ses hommages, il m'a menacé d'effacer dans sa tête tout souvenir de ma personne. Comme il m'est parfaitement égal qu'il ait en tête un souvenir ou des pois chiches, sa menace ne m'a nullement effrayée. Il a été reçu avocat et vient de partir pour son pays où son retour sera, dit-on, célébré au son des cloches. Flora et Fabiane, semblables à ces petits oiseaux d'Amérique qu'on appelle oiseaux-mouches, passent leur vie à se balancer au-dessus des fleurs. Quant à Civico, il a disparu du monde de Séville. L'étoile socialiste a filé et brille maintenant à Villamar. Ainsi que de raison, ce malin chat de Martial a pleuré le départ du rat qui servait à son amusement. On dit que l'enlèvement de l'enfant prodigue a été opéré en plein jour par sa respectable mère, qui, à ce qu'il paraît, est une commère qui ne plaisante pas. Fabiane, qui l'a vue, assure qu'elle ressemble à la femelle du colosse de Rhodes, montée sur le cheval de Troie. Tiburcio est parti, toujours au dire de Fabiane, avec un bagage complet d'ambitions déçues, d'illusions fanées et d'amères déceptions. Quelle folie, cher enfant! C'est Flora qui me dicte. Nous voudrions te distraire. Don Domingo parle de toi aussi tendrement que si tu étais Charlotte S. Flora t'embrasse, en véritable amie, ma mère en mère et moi en sœur. Reine. P.S. Rien pour ton père. Avant son départ, Martial avait reçu de Tiburcio l'intéressante épître que nous nous faisons un plaisir de mettre sous les yeux du lecteur. Tiburcio à Martial. Cher ami, à la manière dont je végète dans mon affreux trou de Villamar, la philosophie seule peut me persuader que je ne suis pas un automate. L'homme qui sent ce qu'il vaut et qui, comme moi, est condamné à l'inaction, ressemble à un torrent que l'on veut enchaîner, mais qui rompra ses digues et se fera passage. Un lion qui rongera les mailles du filet où il se trouve captif. À l'aigle qui brisera les barreaux de sa cage et s'élèvera dans les airs. Comme bien d'autres, je suis une victime de la société. Mais mon parti est pris, où j'occuperai, dans mon pays, la place que m'assigne mon mérite, ou je n'en occuperai aucune. C'est au gouvernement à savoir distinguer les hommes et à les employer suivant leurs capacités. Ou, si le gouvernement ne le fait pas, que ce soit le législateur. Si je vous parle ainsi, c'est afin que vous pensiez à moi, quand vous aurez été, comme je n'en doute pas, appelé au Cortès. Pour occuper les emplois, il faut des hommes de conscience et de tête. Et à propos de tête, faites-moi donc le plaisir de m'envoyer un chapeau républicain. Ce sont les plus fashionables et les seuls que porte votre bien sincère ami qui meurt ici du spleen. Lecteur des Batuecas, mon ami, tu ignores sans doute, et bien d'autres l'ignorent comme toi, bien qu'il l'ait sans cesse à la bouche, la valeur de ce mot fashionable, importé d'Angleterre en Espagne. Nos pseudos éclairés accommodent ce mot à toute sauce, comme fit un montagnard de nos amis avec des huîtres qui lui avaient été envoyées de Cadix et qu'il fit cuire dans leurs coquilles et servir avec du riz, comme des moules. Pour t'éviter la mésaventure arrivée à un de nos amis, qui, pendant 3 jours entiers, chercha vainement le mot « pot-pourri » dans le dictionnaire de l'Académie, nous allons t'expliquer la valeur de ce mot « fashionable ». « Fashionable » procède de « fashion », expression que le français a traduite par « bon ton » et que nous avons espagnolisée en faisant « buen tono ». Dans notre langue, il n'y a pas, que nous sachions, d'expression équivalente à celle-ci, d'où les pseudos ont déduit que la chose n'existait pas et n'avait jamais existé en Espagne. Nous autres gens candides et naïfs, nous croyons que si l'expression n'existe pas, c'est que le besoin ne s'en est jamais fait sentir. Nous croyons qu'en disant avec Lope et Calderón « Señora y caballero » ont désigné suffisamment une femme ou un homme comme il faut. Nous croyons enfin qu'ajouter quelque chose à ces titres serait un pléonasme. Il paraît que tout a changé aujourd'hui et que, pour obtenir le renom de señora ou de caballero, il faut de plus avoir le titre de fashionable. La fashion, telle qu'elle est comprise en Angleterre où elle est née, est un composé de finesse, de délicatesse et de distinction dans les personnes et dans les choses. Sa seule règle est le bon goût. Sa force réside dans sa sévère intolérance. Comme une reine absolue, elle s'émancipe de tout pouvoir. C'est ainsi qu'elle admit parmi les siens le roi George IV et qu'elle en exclut son successeur Guillaume. Si nous admirons la fashion chez les Anglais, c'est que nous admirons tout ce qui est délicat et distingué, tout ce qui tend à élever la nature humaine. Nous devons cependant reconnaître que la fashion est femme et qu'elle n'est pas exempte des faiblesses de son sexe. Maintenant, pour en revenir à notre comparaison, appliquer ce mot délicat de fashion, réservé pour les choses les plus élégantes, à un noble chapeau républicain, n'est-ce pas commettre au spirituel la même faute que notre montagnard avait commise au matériel en faisant cuire dans sa coquille ce poisson délicat que l'on appelle une huître et en l'accommodant comme une grossière moule ?